Hollinguette est une romancière américaine née en 1969, connue pour ses thrillers et dystopies, c'est-à-dire une fiction dans laquelle la société est représentée de façon chaotique, souvent destinée aux adolescents. Ancienne chanteuse et passionnée de cinéma, elle s'est imposée dans le monde littéraire avec son récit féministe, L'année de grâce. Riker est un braconnier, un métier dont le but est de tuer les jeunes femmes parties en année de grâce. Riker incarne l'idéal d'un homme ayant une considération unique envers les femmes dans un milieu où elles sont discriminées. En effet, après avoir porté secours à la fille de son sauveur, il prend conscience de l'inhumanité et la sauvagerie de l'homme. Il décide in extremis de fuir avec elle à l'étranger. Mais malencontreusement, la veille du départ, Riker est dénoncé par son frère et trouve la mort en couvrant la fuite de sa femme. Ce roman s'appelle L'année de grâce, car ce terme désigne le fait d'être libéré, gracié. Une idéologie exprimée par les hommes qui envoient les femmes durant une année entière dans un camp pour que leur beauté, qu'ils associent à de la magie, disparaisse avant qu'elles ne deviennent trop attirantes et ne les ensorcellent. Voyez-vous, c'est bien la preuve de leur magie, et cette année encore, nous avons plus que besoin de l'année de grâce. Ce passage démontre clairement l'embrigadement des mentalités qui ne peuvent pas évoluer dans un milieu où chaque acte est justifié. En titre alternatif, je choisirais libre, car ce terme reprend la thèse ainsi que la volonté des hommes qui veulent que les femmes soient libérées de leur magie. Dans cette histoire, je changerai la fin, car elle m'a profondément frustré. La femme que j'admirais pour ses convictions finit par accepter son tragique destin, ce qui l'a conduit à ne pas se marier avec Riker, dont la mort est incertaine, ainsi que porter tous ses espoirs sur sa fille. Cela donne l'impression d'un éternel recommencement. Ces oiseaux de proie, tout son plaisir consiste à les dresser. Une fois dociles, ils s'en désintéressent et les regardent mourir de faim. Un passage horrifiant dans lequel la femme est rabaissée au rang d'animal. Ce qui pousse le lecteur à se questionner à travers une déclaration rhétorique dans laquelle l'autrice transmet une vraie sensation de refus. Il n'y a pas plus dangereux qu'une femme qui dit ce qu'elle pense. Autre exemple de cet univers patriarcal dans lequel la femme se situe en bas d'une échelle sociale qui semble être instaurée par une divinité. Un propos dont l'autrice rappelle que l'égalité des sexes n'est que fondamentale. Ce chemin a été pavé de sang, le sang des nôtres. Mais ce n'était pas en vain. Ce soir, l'année de grâce touche à sa fin. Un moment poignant dans lequel l'horreur quitte les jeunes femmes, une expérience unique qui, contrairement à leur aîné, ne leur inspire pas de la haine, mais de la compassion envers leur cadette. Aucune destruction de matériel et un message censé les soutenir dans leur survie. L'autrice montre bien là la solidarité nécessaire pour lutter pour sa liberté qu'elle compare à la survie. On peut aussi dire que ce livre est très intéressant en vue du contexte actuel dans lequel la femme n'a pas une égalité parfaite avec l'homme. C'est un livre qui suscite une colère non contre les hommes, mais envers ceux qui ont instauré ce système discriminant. Si l'on compare Les Impatientes et L'Année de Grâce, je pense qu'il y aurait une forte ressemblance. Pour ma part, une des différences fondamentales est le lieu où se situe l'histoire. Ces deux récits différents transmettent la même idée, celle de se révolter dans un univers où la crainte et la peur sont omniprésentes. Pourtant, je préfère L'Année de Grâce, car l'univers de Djali Amadou Amal m'a vraiment confus et je me suis senti perdu plus d'une fois.